Join me on RIG. Oh, la marche, c'est un tout le monde, c'est Thierry Gallet. Je suis content de vous savoir là, ici, sur 90.7 pour 2 heures de bonne musique, puisque c'est la musique de John, Paul, Ringo et George réunis ou séparés entre 1962 et maintenant, là, aujourd'hui, le 22 mai 2019. Oui, tout ce qui peut être mis sur antenne au fil des émissions. Nous sommes déjà à la 415e édition ici sur RIG 90.7, mais si vous êtes un nouvel arrivant, on ne sait jamais, sachez que cette émission existe depuis 1984, 35 ans, oui, ça ne nous rajeunit pas, bon, mais c'est pas grave, on va avoir un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Flaming Pie de Paul McCartney en 1997. On écoutera The World Tonight, If You Wanna, Some Days, Flaming Pie, qui a donné son nom à l'album, Calico Sky et Heaven on a Sunday. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles, forcément. Pour Lennon, ce sera Remember sur l'album Plastic Ono Band en 1970. Pour Harrison, ce sera la fantastique chanson Isn't It a Pity, sortie en 1970 aussi sur l'album All Things Must Pass. Ringo Starr nous chantera $15 Draw. Celle-là, je la passe plus que très rarement, et pourtant elle est bien. C'est de la country, c'est sur l'album Bullcoops of Blues en 70 aussi. Quant aux Beatles, on commencera avec I've Got a Feeling, non pas la version de Let It Be, mais la version de Let It Be tout nu, Let It Be Naked, en 2003. Pour le reste, eh bien, vous verrez, restez bien au chaud. Bon appétit si vous mangez, parce que c'est souvent l'heure à laquelle on passe à table, 20h02. Et puis, rejoignez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Fab Four, Fabulous Four. Donc, John, Paul, Ringo et George, il n'y a pas à hésiter, c'est comme ça que ça se passe. C'est pendant 2 heures et c'est maintenant sur RIG qui est vraiment la radio des Beatles le mercredi soir. Première chanson, The World Tonight, If You Wanna, ce sera plus tard. Paul McCartney sur RIG. I saw you sitting at the center of a circle. Everybody wanted something from you. I saw you sitting there. Saw you swaying to the rhythm of the music. Got you playing, got you praying to the voice inside you. Saw you swaying there. I don't care what you wanna be. Looking to the future. tonight. Of paparazzi, you were hoping that the ground would swallow you. I saw you hiding there. I don't care what you wanna be. I go back so far, I'm in front of me. It doesn't matter what they say. Avec Flaming Pie, McCartney a évité l'écueil qui consiste à vouloir surfer trop longtemps sur une même vague. Le talent se joue des recettes et des plats réchauffés. Paul n'ignore pas qu'il n'y a de sursaut créatif qu'avec une franche remise en question, au-delà de la seule ambition de grimper dans les charts. En dépit des pressions commerciales, la carrière des Beatles s'était construite sur la conjugaison des trois données fondamentales, liberté, exigence, et fraîcheur. Les années avant la sortie de Flaming Pie, AMI avait suggéré à Paul McCartney de se mettre provisoirement au vert durant la période de commercialisation de l'anthologie des Beatles, histoire de ne pas se mettre en concurrence avec lui-même. C'est donc très sereinement qu'il composa par-ci, par-là et enregistra par-ci, par-là, sans urgence et dégagé de toute pression extérieure. L'essentiel donc du matériel de cet album. Ajouté à cette décontraction féconde, Paul, qui avait suivi de très près l'évolution du travail sur l'anthologie, s'avoua très frappé d'observer, avec la distance opérée par le temps, combien le travail des Beatles avait été abordé avec une légèreté et une insouciance dont le bénéfice créatif sautait aux yeux à chaque étape. À la lueur de ce constat, il procéda de même, invitant Jeff Lynne, l'ex-leader d'Electric Light Orchestra, à l'assister à la production, que ce dernier fit avec une touche plus légère qu'à l'accoutumée. « Je veux juste prendre un peu de plaisir et ne pas me prendre la tête. » Ça a été l'esprit de l'élaboration de cet album. Il faut se marrer parce que c'est juste un disque. Alors j'ai appelé une poignée d'amis et ma famille. On y est allé, on l'a fait et on a pris du plaisir. Voilà les premiers mots de McCartney pour évoquer ce film. Ce film, pourquoi ? Ce CD, ce disque, Flaming Pie. Le reste, on en parlera tout à l'heure. Voici John Lennon et Remember sur RIG. It all behind. Remember. remember. Remember. Beatles se sépare en 1970, vous le savez, on attend évidemment John et Paul. Et c'est George qui sera la grosse surprise de 1970 avec cet album All Things Must Pass. Des chansons, pour la plupart, qu'il avait composées avec les Beatles, qu'il avait travaillé avec les Beatles, mais dont on lui avait refusé l'accès au disque. Il avait une ou deux chansons par album. Et il dira qu'il se sentait comme s'il avait été un peu constipé avec les Beatles. Et puis lorsqu'il s'est relâché, ça a été une sorte de diarrhée, mais une diarrhée musicale de ce calibre-là, c'est drôlement beau. En voici la preuve, voici Isn't It a Pity sur RG, un grand moment de George Harrison. Shame, how we break. assez dure sur Facebook il y a quelques temps au sujet de Phil Spector et de son influence avec son mur de son. Je trouve que sur ce titre, par exemple, écoutez Isn't It a Pity avec un mur de son, ça donne un côté majestueux, c'est absolument fabuleux. J'adore cette chanson comme ça. Je suppose qu'à la guitare sèche, ça doit être bien, mais comme ça, c'est juste... Et j'ai les poils qui se hérissent sur les bras. Vous le voyez pas, mais c'est comme ça, voilà. Nous avons écouté Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. Alors, vous savez que Paul McCartney, lorsqu'il est en concert, à la fin du concert, il dit « Nous avons le meilleur groupe de la planète !» et il présente son groupe. Eh bien, nous, ici, à la saga des Fab Four, nous avons le meilleur site de la planète pour comprendre et tout savoir sur les Beatles. Il faut parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. seule radio qui vous diffuse des Beatles de 1962 à 2019, c'est ici, c'est sur RIG 90.7. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flaming Pie de Paul McCartney et un nouveau titre, If You Want, sorti en 1997. Vous savez quoi ? La fatigue, peut-être, le temps chaud, je ne sais pas. On a oublié Ringo. Il fallait le dire. Alors, je répare ça immédiatement. Je crois que, vous savez, quand on essaie de donner la faute à quelqu'un d'autre, je crois que c'est mon ordinateur qui a mélangé un petit peu les pinceaux et qui a pas mis le titre au bon endroit. Parce qu'il était là, il était pas loin. Le voici, $15 Draw sur RG. Le Ringo qu'on aurait dû entendre juste avant l'album de la semaine. Oh, one, two. Mama, I guess you have stood and cursed the day I found that old guitar. When Uncle Harry died, the one we found in the boot of his old car. And remember how my little fingers blistered when I tried to learn to play. I bet you never dreamed that old guitar would put me where I am today. Yes, it's been a lot of years, I guess it's been an interesting life. No, ma'am, I never found another woman that I wanted for a wife. I guess the first time showed us that I wasn't the domesticated kind. But I don't blame her for getting tired of living from a suitcase all the time. Yes, I know sometimes it looks like I've just simply thrown my life away. I just always figured that if I hung on, I'd make it big someday. I guess it takes a special breed to live this way and think the way I think. But you'll be glad to hear that anymore, I ain't near as bad to drink. How is Tommy doing with the business now that Daddy's passed away? I'm sure Daddy always knew that Tom would be the one to take his place. But when he tried to lecture me, I'd sit and pick and sing and let him nag. But way down deep inside, I think he always knew that hardware ain't my bag. In Bolton City for another 2 week stand. I wish there was some way that you and Tom could come and hear my band. Wish I had time to tell you about the places that I've been, the things I saw. And I'll send the $15 soon as I get to the club and make a draw. When you're hot, you're hot. When you're hot, you're hot. Yeah. Okay. I got my dog and he's real mean. RIG 90.7, la radio des Beatles. Thank you. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. When you smile, childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. Measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. What do you say? I say it. You don't anymore. La fin de la chanson est complètement improvisée et ça a donné le titre Hey Bulldog d'ailleurs, parce qu'il l'un des deux a commencé à faire le chien et du coup voilà, ils se sont éclatés là-dessus. Et auparavant, une autre très belle chanson signée George Harrison, Blue Sweet Shoe. Et Old Brown Shoe, je viens de lire Blue Sweet Shoe sur Facebook, fait par Rook, évidemment, celui qui met les pochettes plus vite que son ombre, et ça m'a influencé. Oui, continue à mettre des pochettes sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, c'est très très bien. Old Brown Shoe, donc. Il faut savoir rester humble. Jusqu'à présent, je disais tout le temps, depuis des années, quelle ligne de basse fabuleuse par Paul McCartney. Eh ben non, la ligne de basse est assurée par George Harrison. Je n'en reviens pas. Chapeau George, parce que vraiment, la ligne de basse est extraordinaire sur la chanson. Que ce soit McCartney ou que ce soit George Harrison, on s'en fout. C'est vraiment du très, très, très, très bon boulot. Je vous propose une chanson très, très triste de John Lennon. En 1974, sur l'album Walls and Bridges. Elle est triste et pourtant elle est extrêmement belle. Et on retient surtout ce titre quand il dit « Everybody loves you when you're 6 foot in the ground ». Tout le monde t'aime quand tu es 6 pieds sous terre. Il n'avait pas avoir le moral en 1974, monsieur John Lennon. La voici la chanson sur RIG. Sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. Direction takes you years, another takes you days. Looking at the sights, many others with the troubles, looking for the rights. Beggars in a gold mine. Takes you days. Première fois, c'est la sixième chanson. Puis c'est toutes les cinq chansons que vient l'album de la semaine. L'album de la semaine qui est Flamin' Pie, sorti en 1997 par Monsieur Paul McCartney. Voici un nouveau titre, Some Days sur RIG. Some days I look at you with eyes that shine. Sometimes I laugh to think how young we were. Sometimes it's hard to know which way to turn. I laugh to think how young we were. We don't need anybody else. love, and we know how it feels. Some days I cry for those who live in fear. Some days I don't remember. Débauche de musiciens sur ce disque, juste une équipe resserrée sans excédent de bagages. McCartney joue de la plupart des instruments, utilement épaulé par Jeff Lynne, le guitariste Steve Miller et aussi par ce bon vieux Ringo Starr que Paul n'avait pas invité depuis longtemps sur un de ses disques. George Martin, l'ancien producteur des Beatles, a aussi apporté son savoir-faire sur quelques titres en leur concordant de subtils arrangements orchestraux. La preuve. À noter aussi la première et discrète participation de James, le cadet des McCartney, à l'œuvre de son père. Il joue et plutôt bien de la guitare sur Heaven on a Sunday, qu'on écoutera en fin d'émission. À l'inverse, c'est pour la dernière fois que Linda chantera ici quelques harmonies vocales avant d'être emportée par un cancer quelques temps après. Voilà ce qu'on pouvait dire. La suite, ce sera un petit peu plus loin dans la saga des Fab Four. 6 o'clock, la version allongée. 6 o'clock in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. It can't be the kind of company I keep. That keeps me asking. You keep me asking, you keep me wondering why. No, I don't treat you like I should. It could be the comfort going to my head that makes me wanna dream of you. But while you're sleeping softly in your bed, I wanna tell you, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. I don't treat you like I like to treat you.

a flashing wood illumination. Name rich, his life more than many words can tell. He stood the light, new precious rain scales were falling from his eyes again. The bolts of his prison opening, he said, I found someone to show me. Illumine my consciousness, remove the dark from me, and give me that which I had lost. Fighting revolutions that keep you back down in the low world. The mirrors of understanding, they need cleansing. Polish away the dust of desire before your life will reflect in them. You need someone to show you illuminate consciousness, remove the dark from you, and give you that which you have lost. Want to show me, illumine my consciousness, remove the dark from me, and give me that which I love. You need someone to show me, illumine my consciousness, remove the dark from me, and give me that which you love. C'était en 1981 sur l'album Summer in England, George Harrison à l'instant. Une année auparavant, John Lennon, hélas, signait son dernier album et il pensait qu'à 40 ans, c'est l'âge qu'il avait à cette époque-là, il avait encore toute la vie devant lui. C'est vrai qu'en principe, à 40 ans, on a encore du temps. Et il se sentait bien. Il sentait comme s'il redémarrait tout. Just like starting over. Une des plus belles chansons de John Lennon sur RIG. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone. It's been me too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Somewhere far, far away. too long since we took the time. No one was to blame. My little time flies so quickly. I'll just have cheese and lettuce and Marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. It's okay, I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky. Voilà. Mais c'était la prise 27 et la troisième version de cette chanson-là par George Harrison et les Beatles. C'est ressorti là pour les 50 ans de l'album blanc, donc en 2018 cette fois, j'en suis absolument certain. Si nous revenions à l'album de la semaine, l'album de la semaine c'est l'album Flame and Pie de Paul McCartney sorti en 1997. Voici un nouvel extrait, et quel bel extrait, Calico Sky sur RG. De la semaine, 14 chansons qui rivalisent de charme, organiques et dépouillées. Elles investissent plus qu'à l'accoutumée le chant de l'intime et d'une certaine nostalgie, tendance qui ira en s'affirmant durant les années suivantes. En ouverture de l'album, The Songs We Were Singing témoigne de ce penchant. Baignée de guitare acoustique jouée à l'unisson, elle sonne le rappel de l'époque bénie des 60s où il était encore permis de rêver et de refaire le monde entre amis autour d'un verre. Mais d'autres titres lorgnent eux aussi dans le rétroviseur et imprègnent d'une certaine mélancolie le climat général de l'album. Sur une ligne mélodique confondante d'astuce et d'ingénuité, Young Boy évoque l'adolescence et sa quête maladroite de l'amour. Le charme opère ici assez vite, comme pour The World Tonight, une ballade électrifiée de quelques riffs incisifs. À la guitare électrique, McCartney admet qu'il ne possède pas un style éblouissant, mais c'est le sien. À l'instar de celui d'un Neil Young, il gagne en franchise et en impact ce qu'il ne possède pas en virtualité. The World Tonight témoigne que cette simplicité qui est en fait l'un des titres les mieux charpentés de l'album, dont l'attaque franche et directe lui vaudra d'être choisi pour l'un des singles. Dans le registre des ballades, Paul McCartney sème aussi ici à tout vent avec une belle assurance. On se perd à énumérer ses petites perles, la caressante et songeuse Some Days. Paul s'y accompagne seul à la guitare acoustique, à la basse et à la guitare espagnole sur un très pur nappage de cordes concocté par George Martin. La très épurée Calico Sky qu'on vient d'entendre, l'une des chansons qui renvoie instantanément au double blanc des Beatles. Heaven on a Sunday qu'on écoutera aussi, un pur moment de soul très soft. Souvenir, Rhythm and Blues à la Wilson Pickett, Little Willow, infiniment poignante et climatique, une composition pour les enfants de Ringo Starr ayant récemment perdu leur mère. Et enfin, une très ancienne composition, Great Day, sereine et lumineuse, Belle Moisson. Que ce disque-là qu'il vous faut acheter, sorti en 1997, il s'appelle ce disque Flame and Pie. La pochette est assez moche, mais l'intérieur est superbe. You better get yourself together. gonna be dead. By the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Better recognize your brothers. Everyone you meet. Why in the world are we here? Surely not to live in pain and fear. Why on earth are you there? When you're everywhere, come and get your share. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Dans une version différente et auparavant aussi la version de Love de trois chansons. La chanson qui s'appelait Drive My Car, puis The World, puis What You're Doing. Et à l'instant, Can't Buy Me Love sur les anthologies Highlights sorties en 2010. L'album de la semaine est Flaming Pie, c'est maintenant. Yeah. sent que c'est la 35e saison de la saga des Fab Four. Heureusement que vous n'avez pas la playlist sous les yeux, parce que je regarde la chanson suivante, je vois la cover. Je dis la cover, mais on aurait dû le faire il y a au moins 5 ou 6 chansons. Oui, oui, le logiciel m'a encore joué des tours de je ne sais pas quoi. Parce que, donc voilà, pour vous, ça paraît normal, mais 21h29, en principe, il y a longtemps qu'on a passé la cover. Là, voici, c'est Elton John et Kiki Dee qui ont chanté cette chanson-là en l'année... c'est pas marqué, c'est marqué 2017 parce que c'est extrait de l'album Diamonds 2017. Voici Elton John, Kiki Dee et True Love. On écoutera la version de George Harrison juste après. Honeymoon is at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me, we va falloir se dépêcher parce que dans une grosse vingtaine de minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. J'ai envie de vous proposer ce que j'écoute en boucle depuis quelques jours. Vous savez, je l'ai d'ailleurs le disque, ça y est, je l'ai reçu via iTunes. J'attends le disque en vrai parce que j'aime les deux. C'est Frank Sinatra's Party, le bonus de Egypt Station Explorers Edition. Voici Paul McCartney en 2019 sur RIG. At the greatest time at Frank Sinatra's party, we drank expensive wine, then watched the night go by. I saw a showgirl dance with Sammy Davis Jr. They had a brief romance under the desert sky. V-5-4-5, I'm not the only Englishman. I'm undercover, but plenty of others are already flying high. See Angie Dickinson, bump into Peter Lawford. She's out to have some fun. He doesn't seem to mind. You don't have to doubt yourself. No, not on a night like this. Jump in the swimming pool, say hi to Nino Martin. He's hot to play it cool, watching the girls go by. V-5-4-5, I'm not the only Englishman. I'm undercover, but some of my brothers are already flying. Rocky Raccoon, a Rocky Raccoon, he was a fool unto himself, and he would not swallow his foolish pride. Mind you, coming from a little town in Minnesota, it was not the kind of thing that a young guy did when a fellow went and stole his chick away from him. Checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dream by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room. And grinning a grin, said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, He drew fast and short, and Rocky collapsed in the corner. Na da da da da da da da da da da da da da da da Sminking, proceeded to lie on the table. He's really sminking, got gin, and it did him in the end. Poor Doc. Meantime, back on the table, yeah, the doctor said, Rock, you met your match, son. Rocky said, it's only a scratch, son. I'll be better soon. You better be better soon, said the doc. Come on, son, gotta get hip, gotta get up, gotta get back to your gun. Gotta go and show that daddy boy. However, Rocky Raccoon fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Checked out and left it no doubt to help with good Rocky's revival. Now Rocky Raccoon. Allez, on va arrêter là parce qu'on commence à être en retard. Dernier extrait de l'album de la semaine, Heaven on a Sunday, avec le petit James sur RIG. Peaceful, like heaven on a Sunday. Thinking what to do, we've been calling in love, but it's a dream we're going through. And if I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. Like devil on a Monday, cooling my fingers in the bay. We've been learning a song, but it's a long and lonely blues. If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. Thinking what to do.

once there's a way to get back homeward. Once there's a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. We'll sing a lullaby. Boy, you're gonna carry that weight, carry that weight a long time. Boy, you're gonna carry that weight. 50 ans cette année et pas le moindre signe de fatigue à l'écoute en ce qui me concerne. Donnez le rythme, c'est maintenant que ça se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures et dans quelques secondes, ce sera absolument génial. Je le sais, je l'écoute à chaque fois. C'est Johnny de A à Z et Eric surtout sur RIG 90.7. Le mercredi soir, c'est d'abord la radio des Beatles, mais ensuite, c'est incontestablement la radio de Johnny. À très bientôt. Ciao.